bâtir des vérités. Mais vos murs sont faits de fumée. Moi je traverse vos mirages. Un homme vrai, pas une image. Chaque insulte répète vos blessures. Un miroir froid de vos fissures. Vous crachez fort pour cacher vos phares. Mais vos mots tombent des pailles. Je n'ai pas besoin de travestir. Chaque ligne brûle pour avertir. Pas de ce qui marche, franc et sincère. Un chemin clair dans vos poussières. Ashes speak with flames, don't lie. Truth will burn and never die. Rider skill walks through the fire. Honest words that never tire. Shadows fade, the light remains. Breaking free from all your chains. Ashes speak, but I survive. Every fall, I stay alive. Vous nourrissez une foule sans penser. Un écho vide, une vérité forcée. Vos idoles tiennent vos esprits en laisse. Chaque mensonge devient promesse. Mais moi je n'ai pas besoin d'artifice. Mon âme parle brute et précise. Raider skill s'élève dans vos tempêtes. Je marche droit, ma voix honnête. Ashes speak but flames don't lie. Truth will burn. Vos cris s'effacent. Chaque attaque nourrit ma place. Je n'ai pas peur de vos venins. Chaque mensonge renforce mes mains.